Nos espoirs crèvent, les masques tombent et les coups se font bas. Comme les fonds desquels on jaillit s'enfondent dans nos poches. Ose de dire combien de filles sont plus hoches que les keufs. Ou quelle boîte de province peut-être ouf. En fait, laisse béton. Dans le béton, y'a des coups de bâton qui se perdent sur les russes. Des types en toc, mon frère, fous pas la fille en cloque. Ou c'est laisse tomber ta santé ruinée d'esprit. Comme de Corse à Sainte-Épape. Y'a pas 36 façons d'avoir la paix. Et certaines choses font que ton âme repose plutôt que prévu. J'ai vu Kouchlas dans une soirée à cause d'une tasse. Bouffi parle d'asse, c'est jamais ça me lasse. Surtout que les chemins ça se passe souvent. Trop de fausses nonnes et pas assez de couvents. Ces derniers temps, je rêve d'exploser mon compte courant. Toujours dans le mauvais sens, à croire que j'ai pas de chance. Et qu'il faut que je lâche, la vie quand même lâche, lâche. L'affaire frère, lâche la frère faire. Dès qu'on se casse tous. Sur tout ça, un trèche tire comme une bastos. On attend patiemment l'heure pour qu'on y passe tous fils. Pour survivre, c'est vie survie, c'est tour de passe-passe. Hocus pocus, y'a pas de Majax, mec. J'ai que ça à dire pour ça que j'froide, mec. Laisse tomber, mon frère. Vous taille la même merde, la même horde de Jaffar. Bat tout de kafir que c'est de niquer le cafard. Qu'on la rage contre l'ennemi pire que la K-Force. D'Ice Red de A à Z, on combine les efforts. Laisse tomber, mon frère, comment tout autour part en couille. Comment le monde boit des trouveras, jamais de béquilles. Comment dans le paysage on fait vermine. Comment l'âge d'or des Kairas termine. Mes gars savent comment c'est. Moi aussi, routine Mossad. Chaque jour le malheur grossit. Mais on s'en bat les yeux. Frise et Wam la maintenance. On balaye le con. Décrit la vie avec l'œil qu'on les photographe. On pense toujours au refrain. Grave, les yeux rouges grands ouverts. On rend ton bateau et paf. Laisse tomber mon frère. Comment les vrais devrais se font rares. Toujours la même de mer. Et si peu de choses pour se couvrir. Laisse tomber mon frère. On nous a dit, laisse tomber les jeunes. C'est du vent. Mais sans dire qu'il passe du bon temps, le diable me tend la corde. Laisse tomber mon frère. Ouais. On nous a dit, laisse tomber les jeunes, c'est du vent. Laisse tomber mon frère. Ouais. On s'en sort. Laisse tomber mon frère. On nous a dit, laisse tomber les jeunes, c'est du vent. Laisse tomber mon frère. On voit le ciel rejoindre la terre. On est entre les deux, là la situation qui désespère. Au lieu d'une ère révolutionnaire, rien de mieux dans cet univers périlleux. Pourvu qu'on en sorte glorieux et indemne de la bataille contre ceux qui nous prennent pour du gros bétail. Arrête de te coller l'étiquette de racaille. Les vrais restent silencieux et sérieux pour te fixer sur les rails. Bouilleux parce que tu brailles pour rien. Aussi incessant que les clichés de coréen. Encore obligé de corriger et te diriger vers la sortie avec l'idée de laisser tomber. Laisse béton comme tes dents sur le béton. Où les murs de ta tête qui ressemblent à une prison. Où les matons sont des civils qui se font mater. Pour les journalistes, une nouvelle disquette à formater. Un scoop où les jeunes se coupent, où les keufs s'occupent à faire déborder la coupe avec des bavures en sup. Ce n'est pas pour les amateurs de jupes, de jeunes mineurs qui quadrillent les jupes. Laisse tomber quand certains délaissent leur espèce et se font plomber. C'est parce qu'ici tout se paie. Laisse tomber la flambée de prix. Dès que tu compares avec l'évolution de la TVA, t'as vite compris. C'est diriger les pigeons vers la tromperie. Sur de l'île, plus une surveillance par satellite sur tous les sans-fils. Laisse tomber la progression de Kem qui s'enfile. Laisse tomber à quelle vitesse le DAS se refile. Vas-y, laisse tomber mon frère. Tu devrais savoir comment faut faire pour éviter tout commentaire, que les choses flairent. Et plus qu'à jamais on te fasse taire. Pour ça il s'avère qu'il faut que tu lâches ton bise et puis tes guimards. Afin de pas finir au cimetière et puis compris pour toi. En lieu saint comme à l'église, la mort arrive subrepticement comme une putain de perquise. Mec faut te ressaisir, seul à détenir les keys. Pour éviter de finir sous les balles et les quises. Réalise, sache que rien n'est fichu. Évite pour ça la triste issue. Déchirement comme le tissu de tes vêtements. Effectue par le SAMU pour constater de visu les plaies et l'afflux du sang. Bon sang, cesse de soucier de ton image et pense un instant à tes parents. Ouais, ouais, cesse de jouer, c'est comme au loto. Dès les cases cochées, t'es sûr d'avoir du père. Pleure pas sur ton sort, mec, faudra que tu récupères. T'as dans cette affaire, t'es plus le beau commissaire, mais le seul décisionnaire. Ouais, ouais, ha. On nous a dit, laisse tomber les jeunes, c'est du vent. Laisse tomber mon frère. Mais tant qu'il passe du bon temps, le diable me tend la corde. Laisse tomber mon frère. Ouais, ouais. La vérité, je balance. On s'en sort. Laisse tomber mon frère. Vas-y, laisse béton. Laisse béton. Laisse béton. Laisse béton. Laisse béton.